Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, le plaisir de retrouver Catherine Fro. Alors qu'elle vient chercher son fils Thomas dans un goûter d'anniversaire, Elsa Valentin remarque une petite fille de 6 ans qui la bouleverse. Elle le sent, elle a l'intime conviction, Lola est sa propre fille. Obsédée par ce sentiment inexplicable, elle cherche à en savoir plus sur l'enfant. C'est Lucie. Comment veux-tu que ce soit possible ? Je le sens. C'est pas ta faute, chérie. C'était... Personne n'aurait pu la sauver. J'ai vu que la maison était à vendre. Oui ? Pourquoi elle vous intéresse ? Elle correspond assez bien à ce que je cherche. Elle a visité sans savoir le prix. Bah, je sais pas, je me suis même pas posé la question. Ça va pas recommencer, Elsa. Et cette histoire de baraque, là, qu'est-ce que c'est... À quoi tu joues, là ? Votre présence à l'école, à la patinoire, c'est pas des coïncidences. Qu'est-ce que vous cherchez ? J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. De quoi vous me parlez ? Je voudrais retrouver ma fille. Elle est quand même un peu spéciale, non ? Oui. Je sais pas pourquoi elle était là, d'ailleurs. L'empreinte de l'ange. Sandrine Bonner, Catherine Fro, un DVD diaphana.